nous pouvions changer le monde, on le ferait encore. Car tous ensemble, nous pourrions faire le nombre pour se mettre d'accord. Si nous pouvions tromper le monde, on le ferait d'abord pour regarder nos têtes blondes jouer un peu dehors. Se fondre, on le ferait encore.